Swann commençait à s'en rendre compte de tout ce qu'il y avait de douloureux, peut-être même de secrètement inapaisé, au fond de la douceur de cette phrase. Mais il ne pouvait pas en souffrir. Qu'importait qu'elle lui dît que l'amour est fragile? Le sien était si fort. Il jouait avec la tristesse qu'elle répandait. Il la sentait passer sur lui, mais comme une caresse, qui rendait plus profond et plus doux le sentiment qu'il avait de son bonheur. Il la faisait rejouer 10 fois, 20 fois Odette, exigeant qu'en même temps, elle ne cessât pas de l'embrasser. Chaque baiser appelle un autre baiser. Ah, dans ces premiers temps où l'on aime, les baisers naissent si naturellement. Ils foisonnent si pressés les uns contre les autres. Et l'on aurait autant de peine à compter les baisers qu'on s'est donnés pendant une heure que les fleurs d'un champ au mois de mai. Alors, elle faisait mine de s'arrêter, disant « Comment veux-tu que je joue comme cela si tu me tiens? Je ne peux tout faire à la fois. Sache au moins ce que tu veux. Est-ce que je dois jouer la phrase ou faire des petites caresses ?» Lui se fâchait et allait éclater d'un rire qui se changeait et retombait sur lui en une pluie de baisers.